la tutelle psychique, tant que l'individu n'est pas totalement fusionné avec l'esprit, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique, eh bien, il est sous tutelle psychique. Qu'il en soit conscient ou non, il va vivre une forme de tutelle psychique pour favoriser son évolution. Donc, l'individu, en tant qu'âme, c'est-à-dire en tant qu'énergie descendue dans la matière et qui incarne un corps physique, eh bien, va vivre une forme de tutelle psychique, étant donné que l'âme, lorsqu'elle est séparée de l'esprit, ne peut pas se corriger par elle-même. Donc, autrement dit, l'âme ne va pas s'auto-ajuster, et pour combler cette défaillance, eh bien, l'individu va vivre une forme de tutelle psychique où il va, pour des raisons de programmation évolutive, être confronté dans sa vie, dans son quotidien, à des événements, à des situations qu'il n'a pas choisi en tant qu'âme. Vivre la tutelle psychique, c'est quelque chose qui sert à amener l'individu à évoluer en tant qu'âme, parce que l'âme, lorsqu'elle n'est pas en contact avec l'esprit, elle n'est pas capable d'évoluer par elle-même et rehausser son taux vibratoire. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un décalage entre le taux vibratoire de l'esprit, qui est au-delà de la matière, du plan physique, et de l'âme qui est incarnée dans la matière. Ce qui est arrivé, c'est que l'esprit, dans un passé très lointain, s'est fragmenté en deux parties, dont une est l'âme, qui a descendu dans la matière et les plans denses, alors qu'une autre partie est restée sur le plan mental. Et la partie de l'individu qui est restée sur le plan mental, ce que certains appellent sa contrepartie cosmique, eh bien, cette partie-là cherche à éventuellement ramener l'âme à hausser son taux vibratoire pour que les deux aient le même taux vibratoire et qu'il y ait une harmonie psychique à travers le processus de la fusion de l'âme et de l'esprit qui se produisent pour qu'il y ait une harmonisation des deux niveaux d'énergie pour qu'il n'y ait plus de différentiel entre les deux. Et pour que ce phénomène se produise éventuellement, eh bien l'âme, qui a un taux vibratoire plus bas que celle de son esprit qui s'y rattache, est sous tutelle psychique de par l'esprit qui a un taux vibratoire plus élevé. Donc le but de l'esprit, c'est d'amener l'âme à évoluer à travers des événements, des situations, pour que l'âme ait éventuellement le même taux vibratoire que l'esprit, qui est une unification de conscience. Lorsque la conscience de l'âme à l'esprit va être unifiés, donc les deux vont former une unité de conscience totale, complète et intégrale, eh bien à ce moment-là, l'âme ne sera plus sous tutelle psychique, parce que à ce moment-là, l'âme aura une intelligence qui égalisera celle de l'esprit, et rendu à ce stade, on ne parlera plus d'âme, mais on parlera plutôt d'être fusionné, d'être qui vit une conscience intégrale. Mais tant que ce point n'est pas atteint, eh bien l'âme est sous tutelle psychique. Et ça peut être extrêmement contrariant. Donc, pour bien comprendre le phénomène d'être sous tutelle, eh bien, on va comparer ça sur le plan planétaire, parce qu'il y a des parallèles entre certaines situations qui sont vécues sur Terre et des situations aussi qui se vivent sur le plan occulte. Donc, sur Terre, lorsqu'un individu, pour des raisons de problèmes de santé mentale graves, est mis sous tutelle, sous la curatelle publique, ici au Québec, par exemple, donc c'est quelqu'un qui, par exemple, va se faire administrer sa vie, l'administration de son budget, ses finances, de son logement, donc les différents aspects du quotidien par une autre personne, étant donné qu'elle est jugée inapte à gérer son existence. Donc, autrement dit, c'est par exemple quelqu'un est dans un état où la personne a un problème de santé mentale très lourd, et qu'elle n'a pas la maturité psychique suffisante pour gérer d'une manière autonome son existence, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, elle est sous tutelle pour compenser cette défaillance. Donc, autrement dit, sur le plan physique, il y a certains cas, par exemple, si on prend une personne âgée qui est atteinte d'Alzheimer à un niveau élevé, eh bien, c'est sûr qu'elle peut être sous tutelle par un de ses enfants, un de ses frères, et ainsi de suite, donc une personne proche d'elle pour administrer son existence. C'est un petit peu comme la question de l'inaptitude. Donc, il y a des gens, par exemple, de leur vivant qui vont faire ce qu'on appelle un mandat d'inaptitude, ce qui fait que si ils ne sont pas aptes à gérer leur vie, eh bien, à ce moment-là, ils vont être la tutelle d'une personne qu'ils ont désignée au préalable pour administrer leur existence. Donc, ça peut être utile, par exemple, dans des cas de gens qui sont atteints de maladies dégénératives graves. Donc, si, par exemple, la personne est atteinte d'Alzheimer et que son état psychologique se dégrade et ses fonctions cognitives, eh bien, à ce moment-là, ça devient comme logique qu'elle ait un mandat d'inaptitude pour être la tutelle d'une personne qui va par la suite l'aider à administrer sa vie jusqu'au dernier moment de son existence. Donc, ça, c'est au niveau d'une tutelle qui se fait sur Terre. Et la tutelle psychique, en parallèle avec ça, c'est que l'âme, avant de s'incarner, eh bien, elle a été mise en tutelle par l'esprit, en ce sens qu'un aspect de vous, en tant qu'esprit, qui est au-delà de la matière, et qui va faire l'administration de votre existence tant aussi longtemps que vous n'aurez pas intégré d'une manière totale et absolue son énergie. Donc, c'est sûr que de se faire dire qu'on est sous tutelle psychique, c'est extrêmement désagréable, j'en conviens, surtout lorsqu'on commence à s'éveiller, qu'on veut s'émanciper, qu'on veut être une conscience libre et autonome. Donc, c'est sûr que c'est un aspect voilé de l'existence que la plupart des gens, au moment où sont prononcés ces mots micro, ne sont pas conscients que ça existe, le phénomène de tutelle psychique. Mais c'est pas parce que les gens n'en ont pas conscience du phénomène que pour autant, il n'existe pas. Ben, c'est un petit peu comme les ondes qui servent à transmettre des émissions de radio, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Donc, si on est capable de capter des ondes radio ou capter des ondes cellulaires, c'est parce qu'il y a une existence. Même chose par rapport à l'esprit, qu'on voit pas sur le plan physique avec les yeux de chair. Mais pour en revenir au phénomène de la tutelle psychique, ce qui se produit, c'est que eh bien le plan de vie de l'âme est géré par l'esprit. Donc, l'esprit peut programmer dans la vie de l'individu des événements pour l'amener à augmenter son niveau de conscience, son taux vibratoire, et qu'il y ait une intégration qu'il fasse de l'esprit pour une harmonisation psychique éventuelle. Donc, l'esprit va travailler à ça. Et plus que l'âme intègre l'énergie de l'esprit à travers le processus de la fusion, et plus que l'âme développe la capacité d'être sensible à l'esprit, de s'ajuster à lui, et par conséquent, avec le temps, la capacité de se corriger qui n'est pas là lorsque l'âme ne vit pas une communication télépathique d'une manière volontairement consciente avec l'esprit. Parce que lorsque l'âme est inconsciente de l'existence de l'esprit et qu'elle ne peut pas communiquer avec lui dans sa psyché, dans sa conscience à travers le phénomène de la pensée, de la communication interne, donc si l'âme n'a pas la capacité d'introspection pour dialoguer avec l'esprit, eh bien qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle subit une tutelle psychique qui la rattache à un plan de vie malgré elle, qu'elle n'a pas choisi et elle n'est pas consciente. Alors que lorsqu'elle se conscientise, elle va, à travers le processus de transition psychique, continuer à subir des événements, à subir un plan de vie, mais elle va pouvoir poser la question à l'esprit, à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je vis ça, tel événement. Et là, l'esprit peut lui répondre intérieurement que tu vis, par exemple, tel événement, pour t'amener à développer ta patience ou parce que tu dois réaliser que c'est pas toi qui contrôle tout. Ça peut lui parler intérieurement et la personne peut avoir, lorsqu'elle vit le processus de la fusion avec l'esprit, une compréhension de pourquoi qu'elle vit certains événements qui lui sont imposés par l'esprit en vertu d'une programmation évolutive, donc une programmation liée au plan mental, et de réaliser c'est quoi l'intelligence qui est derrière ça. Donc ça peut donner une forme d'apaisement à l'individu, de savoir que s'il vit, par exemple, un accident d'automobile, bien, il y a des raisons derrière ça. Donc, ça n'arrive pas par hasard. Donc, lorsqu'il peut parler avec l'esprit qui lui explique l'impact que a l'événement, à quoi ça sert évolutivement, bien là, ça peut être intéressant pour l'individu parce que ça lui permet de donner un sens aux événements qu'il connaît dans sa vie de tous les jours. Et pour accéder à ce sens qui est lié aux événements qu'il subit dans le cadre d'une programmation, bien, il faut qu'il y ait une capacité d'introspection, c'est-à-dire d'aller voir à l'intérieur de lui qu'est-ce qui se passe, de questionner l'esprit, de communiquer avec lui. Puis pour questionner l'esprit, ben il faut le percevoir. Puis pour le percevoir, ben il faut que l'esprit se manifeste à nous. Donc à travers notre sensibilité, dans notre psyché. Puis pour pouvoir percevoir l'esprit, bien c'est sûr que, par exemple, il faut que l'aspect émotionnel soit stabilisé. Donc quelqu'un qui vit beaucoup de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de l'angoisse, bien, les émotions fortes et intenses sont très denses et vont bloquer la perception du mince filet énergétique qui provient de l'esprit. Donc, ça va faire ombrage à ça. Donc, idéalement, c'est de se stabiliser. Et pour y arriver, bien, on peut faire des exercices de respiration. Inspirer, expirer. Puis là, il peut y avoir des idées qui émergent en nous pour nous donner une compréhension de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a la capacité aussi de contester l'esprit, d'être capable de le remettre en question. Donc, de questionner, de sous-questionner avec une intensité particulière. Donc, il y a différents moyens qui peuvent exister pour vivre cette communication interne avec l'esprit. Mais pour en revenir à la tutelle psychique, qui est le sujet de l'enregistrement présent, c'est que lorsque l'individu réalise que tant qu'il n'est pas fusionné totalement avec l'esprit, il connaît une forme de tutelle psychique, ça peut être très dur à vivre. Très dur à assumer, et ça fait réaliser que quelque part, il n'a pas de libre arbitre dans sa vie parce que les événements sont programmés. Donc, d'être conscient qu'il vit des événements programmés, bien, puis la raison pour laquelle il les vit, ça peut être intéressant, dans le sens qu'il en a une compréhension de la signification. Par contre, ça n'abrège pas le fait, ça n'enlève pas le fait qu'il doit vivre ces événements. Donc, ça ne le permet pas de s'en extraire. C'est sûr que s'il augmente son taux vibratoire en lien avec la compréhension qui existe des programmations, bien, son rapport à l'événement va changer. Puis aussi, la programmation des événements à l'image d'un algorithme, d'un ordinateur sophistiqué, va se réajuster à mesure que son niveau de conscience augmente. Donc, autrement dit, plus il est élevé en conscience, moins il a besoin d'événements qui vont servir à lui créer des chocs pour qu'il se réajuste. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'ajuste suite à une communication interne avec l'esprit qui lui dit, par exemple, d'arrêter de boire de l'alcool, parce que ça fait quatre bières, par exemple, qu'il boit, ben, il n'y a pas besoin d'en boire 10, puis par la suite, puis il se met à vomir. Donc, s'il est sensible, il vit des ajustements qui vont faire en sorte qu'il n'aura pas à subir ou à souffrir de certaines expériences qui sont liées à un débordement, lié à un manque de sensibilité interne à ce qui doit être en fonction de l'esprit. Parce qu'en réalité, le plan de l'esprit est intelligent pour l'individu. Par contre, ce qui arrive, c'est que l'individu peut être sous l'influence de programmation astrale qui s'oppose à de la programmation qui provient du plan mental. Et si l'individu donne suite à des programmations astrales évolutives, bien, ça peut le retarder dans son évolution. Et puis, ça peut l'amener à mettre son existence ou celle d'autres personnes en danger. C'est sûr qu'il y a différents niveaux d'être dans l'invisible. Il y a des entités astrales qui cherchent à coder l'individu sous l'influence de programmation astrale. Puis, pendant ce temps-là, il y a l'énergie aussi mentale qui cherche à coder l'individu en fonction de programmation mentale et aussi qui va observer comment que l'individu va se comporter par rapport à des programmations astrales pour voir si à quel point, par exemple, il peut être manipulable à travers les actions qu'il va commettre. Parce que les programmations sont en lien avec l'ensemencement psychique qu'il connaît dans le cadre de la pensée qu'il reçoit de l'invisible. Donc, autrement dit, si, par exemple, quelqu'un reçoit la pensée de boire sans arrêt, puis là, la personne boit une bière, deux bières, trois bières, et ainsi de suite, et qu'à un moment donné, elle se met à vomir, bien, sous l'influence d'une programmation astrale, et qu'il n'est pas capable de s'opposer à cette programmation lorsqu'il reçoit l'idée qui provient du plan mental qu'il devrait arrêter de boire après trois bières, bien, ça montre que l'individu n'a pas la capacité de s'ajuster à la vibration mentale, ce qui fait qu'il va vivre, par exemple, un problème de santé, donc se mettre à vomir, avoir des maux de ventre et ainsi de suite, ce qui va lui faire perdre de son énergie parce qu'il a suivi une programmation astrale au lieu de s'en tenir à une programmation mentale. Mais d'en s'en tenir constamment à une programmation mentale pour un être humain incarné, ça peut être extrêmement difficile parce que tant aussi longtemps qu'il est pénétré psychiquement par l'astral, bien, ça peut lui amener à vivre des conflits intérieurs entre ce que l'amène à vivre, le pousse à vivre l'astral versus le plan mental. Donc, il peut avoir une dualité à travers le processus de transition parce que lorsque la personne est inconsciente, bien, elle subit des programmations astrales et mentales et elle subit surtout l'énergie astrale. Lorsqu'elle commence à se conscientiser, bien, elle commence à percevoir l'énergie mentale. L'énergie mentale commence à rentrer à l'intérieur d'elle et l'énergie mentale va tendre à vouloir déloger l'énergie astrale en elle pour qu'il y ait un changement énergétique qui s'opère, entre autres, dans son aura, donc la structure d'énergie qui entoure son corps physique. Et c'est à travers ce processus que l'individu peut vivre une forme de dualité interne entre l'énergie astrale qui l'habite et l'énergie mentale aussi qui l'habite. Mais fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la programmation d'une existence, d'une vie, d'un individu est régie par l'énergie de l'esprit qui est plus haute, qui est plus forte et qui a plus d'autorité que celle astrale. Donc, autrement dit, c'est toujours l'esprit qui a le dernier mot sur la vie de l'individu en termes d'événements, tant aussi longtemps que l'individu n'a pas la capacité d'intégrer son énergie pour qu'il y ait une seule volonté et qu'elle soit harmonisée. Donc, le phénomène de tutelle psychique, c'est un peu comme, par exemple, des enfants. Donc, sur Terre, lorsqu'un enfant est considéré comme étant mineur, c'est-à-dire en ayant moins de 18 ans ici au Québec, et dans des pays occidentaux, ça peut être 18 ou 21, peu importe, eh bien, il est sous la tutelle, il est sous la charge de ses parents, parce qu'on ne lui reconnaît pas la maturité psychique pour administrer totalement son existence, sa vie sur la Terre. Et au niveau psychique, c'est la même chose. Tant que l'individu n'a pas atteint un certain seuil vibratoire, eh bien, on ne lui reconnaît pas la maturité psychique pour administrer son existence, ce qui fait que, eh bien, il y a un plan de vie qui lui est imposé. Et là, elle vit la personne, la tutelle qui provient de l'esprit. C'est sûr que la tutelle psychique n'est pas agréable parce que c'est pas l'individu qui est aux commandes de sa vie. Et ça, c'est très, très, très dur à accepter pour beaucoup de personnes. Donc, c'est sûr que si, par exemple, présentement, je faisais un enregistrement et je disais aux gens, vous avez juste à visualiser d'être multimilliardaire et vous allez le devenir. Vous avez juste à visualiser d'être en parfaite santé et vous allez l'être. Ou vous avez juste à visualiser que vous êtes avec une belle compagne, là, si vous êtes un homme, puis vous êtes à recherche d'une femme, et la compagne va apparaître devant vous là, dans les prochaines minutes grâce au pouvoir de la visualisation créative. Donc, si ça serait juste une question d'un désir de l'ego qui canalise des pensées qui viennent de l'astral pour l'amener à vouloir certaines choses comme une auto de luxe, une maison, un travail très lucratif, gagner à la loterie, et ainsi de suite, bien, l'existence est beaucoup plus facile. Sauf que l'énergie mentale peut toujours faire obstacle à une canalisation d'énergie astrale, étant donné que l'énergie mentale est plus haute en vibration, ce qui fait qu'elle a plus d'autorité. Donc, c'est sûr que l'énergie mentale peut mettre à n'importe quand son droit de veto pour empêcher que, par exemple, une commande astrale soit réalisée dans la vie d'un individu. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, pourrait passer les 15 prochaines années à faire de la visualisation créative le soir avant de se coucher, à visualiser qui gagne une fortune à la loterie, donc faire 20 minutes par soir de visualisation et ça ne se réalisera pas si le plan mental ne veut pas. Donc, parce que le plan mental peut faire échec à certaines volontés de l'individu qui sont en relation avec le plan astral et l'ego. C'est juste que ça va le nuire à son évolution. Donc, si, par exemple, l'esprit sait très bien que si une personne devient très riche facilement, elle ne sera plus par la suite intéressée en tant qu'ego à s'ajuster pour aller vers les autres, étant donné que le fait qu'elle va être très riche, elle va attirer naturellement les autres. Puis elle va pouvoir continuer à être orgueilleuse, elle peut continuer à être méprisante, parce que là, si elle a l'argent, ben, elle sent en puissance. Donc, pourquoi faire de l'effort pour faire preuve de plus de respect, d'écoute d'autrui, lorsqu'on a tout l'argent qu'on désire et que à quelque part, on peut se trouver des amis? Donc, c'est sûr que la personne qui est très riche et qui invite des gens à voyager avec lui, puis qui paye l'hôtel, qui paye tous les transports, les activités, ben, c'est sûr que c'est très facile pour lui d'avoir du succès auprès d'autres personnes, Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il est en puissance, puis il ne sera probablement pas intéressé à écouter des enregistrements sur la conscience ou s'ajuster psychiquement pour intégrer une plus grande vibration. Alors que si l'individu a des problèmes financiers, ben là, il est obligé de s'ouvrir aux autres ou à quelque chose d'autre parce qu'il y a un déséquilibre. Et c'est souvent à travers le déséquilibre que la personne est obligée de tasser son ego. Donc, arrêter d'être orgueilleuse. Et c'est sûr que le but de l'esprit, c'est d'amener l'individu à avoir une conscience qui est transparente, ne plus nourrir d'orgueil, ne plus nourrir de forme astrale. Mais c'est sûr que c'est dur à intégrer. Donc, c'est sûr que de parler du fait que la personne est sous tutelle psychique, c'est indigeste pour beaucoup de personnes. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir du succès, par exemple, sur Internet, en faisant des enregistrements, en vendant le rêve, qui peut être très séduisant, que si vous voulez, vous pouvez, que vous avez juste à visualiser ce que vous voulez avoir, puis ça va se réaliser dans les prochains jours. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Et c'est peut-être des gens qui, pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui vont essayer d'utiliser le pouvoir de la visualisation créative en se rendant compte que ça ne marche pas en fonction des désirs de l'ego, qui vont être obligés de prendre en considération le point de vue qui est abordé dans cet enregistrement, c'est-à-dire que les événements sont décidés par l'esprit et que si l'esprit, par exemple, ne veut pas qu'une personne devienne très riche, multimillionnaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des concours de circonstances qui vont faire en sorte qu'elle n'atteindra pas la fortune qu'elle désirait avoir, qu'elle veut avoir. Tout simplement. Par contre, c'est sûr que l'individu, lorsqu'il canalise l'énergie de l'esprit, ben, il peut améliorer son sort. Donc, s'il met en vibration pour obtenir un emploi et que ça lui dit intérieurement d'aller porter son curriculum vitae à une entreprise, ben, il faut qu'il suive la vibration. Puis là, s'il suit la vibration puis il met en vibration pour ça, ben, ça peut marcher. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est géré par l'esprit. Et ça, c'est difficile parce que je vous donne un exemple très concret. Quelqu'un peut vouloir, après avoir connu une séparation au niveau du couple, se retrouver tout de suite une compagne et l'esprit va lui dire intérieurement, c'est pas le temps. Donc, que tu as une compagne. OK. Puis là, l'individu peut poser la question, pourquoi c'est pas le temps? Ben, l'esprit peut lui répondre que c'est que toi, à rencontrer d'autres personnes, rencontrer des gens, toi à voyager, toi à explorer un peu ton environnement, toi à sortir de ta coquille. Donc, toi à t'ouvrir au monde. Ça peut y dire ça. Puis, ça peut y dire que si tu te penses conscient, tu développes une forme d'orgueil qui fait en sorte que tu te fermes aux gens de ton environnement, alors que ces gens-là ne vont pas nécessairement te dominer. Donc, il faut que tu aies une vision plus objective des gens, plus ouverte, au lieu de rester avec des quelques individus à parler de conscience, puis à vous nourrir là-dedans, puis vivre en vase clos, puis d'une manière fermée, en nourrissant une forme d'orgueil, comme si vous étiez supérieur aux autres. Donc, l'esprit peut confronter l'individu en disant, ben, « Regarde, pense-toi pas plus fait que les autres. C'est pas parce que tu touches un peu de conscience que tu vas avoir un traitement de faveur, puis tu vas avoir tout ce que tu veux quand tu le veux. Puis ta volonté, en réalité, de vouloir, par exemple, une compagne tout de suite n'est pas nécessairement intelligente parce que c'est une volonté qu'il y ait un désir d'ego et il n'y a pas d'urgence objective et réelle à ce que tu obtiennes cela. » Donc, l'esprit peut répondre à un individu comme ça. L'individu peut être contrarié de se faire répondre comme ça. L'individu peut chercher à rencontrer des femmes sur des sites Internet. Et puis, si... dans le fond, ça ne marche pas, ben là, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner voir l'esprit, puis l'esprit va lui dire que ce n'est pas le temps. Fait que là, que l'individu fasse ou non des mouvements, s'il n'y a pas la vibration de faire les mouvements, puis il est fait pareil, puis ça ne marche pas, ben l'esprit, il a dit que ça n'allait pas marcher, et que c'était prématuré, que ce n'était pas le temps. Donc, il ne faut pas que l'individu soit surpris que ça ne marche pas, si ça lui a dit intérieurement que ça n'allait pas marcher. Et ça, c'est particulier, parce que si ça vous dit pas que, si ça vous dit que ça ne marchera pas, puis que c'est avec la vibration de l'esprit, puis la vibration est plus haute que celle astrale, ça doit être pris en considération. Mais si c'est la vibration astrale qui vous dit que ça ne marchera pas, et que, à quelque part, vous ne sous-questionnez pas, c'est juste au niveau d'une forme pensée basse en vibration que vous recevez, ben à ce moment-là, ça se peut que ça soit pas réel. Donc, c'est très délicat. Puis ça, c'est en fonction de perception interne. Donc, c'est très difficile à gérer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'individu croit que c'est lui qui contrôle sa vie, puis il demande, par exemple, de rencontrer du jour au lendemain une femme qui va devenir sa compagne pour les 30 prochaines années, et qu'il s'essaye, puis ça fonctionne pas, puis là, il commence à être tanné, puis il va voir à l'intérieur de lui, puis là, ça lui dit que c'est pas le temps. S'il écoute pas l'affaire que c'est pas le temps, alors qu'objectivement parlant, c'est pas le temps, puis il s'ouvre pas à l'intelligence du fait que ce n'est pas le temps selon l'esprit, ben, il va en souffrir psychologiquement, puis il va se réfléchir, il va dire, ben c'est pas juste, j'ai tel ami qui a une compagne, puis moi j'en ai pas, puis il va se comparer aux autres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit procède d'une manière à ce que l'individu évolue. Donc, sa priorité, c'est pas de répondre aux caprices de l'ego, mais c'est d'amener l'ego à évoluer. Donc, si pour qu'une personne évolue, la personne n'a pas à avoir rapidement de compagne, ben, l'individu doit accepter que c'est ça. Donc, s'il reste dans une vibration astrale du désir d'avoir une compagne alors que c'est pas le temps, ben, il se crée un surplus de souffrance psychologique inutile. C'est une résistance à ce qu'il doit être. Donc, autrement dit, c'est lui-même qui occasionne sa souffrance alors qu'il aurait accès à la compréhension de pourquoi il ne doit pas avoir de compagne. Et s'il accède à cette compréhension, ben, il peut réaliser que c'est intelligent. Donc, si par exemple quelqu'un, suite à une relation amoureuse qui a duré plusieurs années avec une femme, bien, il n'a pas de compagne tout de suite, ça peut lui dire intérieurement, ben là, tu dois apprivoiser ta solitude. Donc, faire toi-même toutes les tâches, parce qu'il faisait vie commune, donc faire à manger toi-même, faire le ménage toi-même, ensuite gérer les finances toi-même en lien avec le logement, puis toutes ces choses-là. Il dit, tu dois être totalement autonome comme ça, tu ne seras pas en couple pour les mauvaises raisons. Donc, autrement dit, si la personne se garoche, se lance dans une autre relation après avoir quitté sa compagne par des raisons de peur, d'insécurité psychologique, entre autres la peur de se retrouver tout seul, bien, la personne risque d'être en couple avec une personne qui n'est pas ajustée vibratoirement à elle. Donc, si la personne se garoche pour être en couple avec n'importe qui, bien, puis elle va rester avec cette personne-là pour des raisons de peur de solitude, d'insécurité psychologique, et pas en couple pour les bonnes raisons, et pas en couple pour des raisons intelligentes. Alors que l'esprit va lui dire qu'il est mieux, par exemple, de passer du temps tout seul, à apprivoiser sa solitude, son rapport aussi avec l'esprit, puis être capable d'être autonome totalement dans sa vie, en lien avec le logement, faire le ménage, la nourriture, toutes les tâches ménagères, pour qu'ensuite, s'il est en couple, c'est selon sa vibration, pas de rester avec quelqu'un pour des raisons d'insécurité psychologique, puis de la peur de se ramasser tout seul, puis de s'ennuyer. D'être en couple parce que il y a la vibration d'être avec l'autre personne, puis ils sont sur la même longueur d'onde. Donc, c'est sûr que de travailler avec l'esprit, c'est désagréable, parce qu'il y a une tutelle psychique. Donc, autrement dit, l'individu peut parler avec l'esprit et peut y poser la question, est-ce qu'il existe une ou des femmes qui peuvent potentiellement être compatibles vibratoirement avec moi? Puis là, l'esprit, ça peut y répondre oui. Puis l'individu peut lui demander, c'est quand que je vais rencontrer ma prochaine compagne? Puis là, ça peut y répondre, tu verras. Ça ne dira pas dans 6 mois, dans 2 ans, dans 20 ans. Ça peut y répondre, tu verras. Fait que là, l'individu a composé avec l'esprit qui lui dit « tu verras ». Puis l'esprit peut lui dire « ben, réfléchis pas à ça. Faut que tu contiennes le vide sans le réfléchir. Parce que si tu le réfléchis, tu t'astralises. Si tu t'astralises, tu baisses ta vibration. Si tu baisses ta vibration, ça veut dire que tu n'es pas capable de contenir le vide de forme. Si tu n'es pas capable de contenir le vide de forme, tu n'es pas capable d'intégrer pleinement ta fusion avec moi. » Ça va loin, là, cette affaire-là. Fait que là, quelqu'un qui faut qu'il contienne le vide de compagne pour intégrer sa fusion, d'un point de vue cosmique, c'est intéressant, mais d'un point de vue humain, ça peut être ennuyeux à vivre. Donc, c'est sûr que l'esprit, tant aussi longtemps que la tutelle psychique de l'individu empêche à ce que l'individu puisse se sortir d'une situation en fonction de lui, rapidement. Donc, c'est sûr que si l'esprit serait totalement fusionné avec l'individu, que la volonté des deux serait une, bien, l'individu aurait juste à dire « je veux une compagne maintenant ». Et là, ça lui répondrait intérieurement « bon, ben, va à tel bar, tel soir, à telle heure, puis tu vas l'avoir ». Donc, ça pourrait dire même maintenant, tu as juste à aller sur tel site internet, cliquer sur telle photo, puis là, ça va marcher. Donc, il peut avoir un résultat immédiat si c'est la volonté est harmonisée avec l'esprit. Tandis que si c'est pas harmonisé avec l'esprit, ben, il y a comme un flottement. L'individu peut, avec son ego, aller sur des sites internet, aller dans des bars de rencontres, mais il ne percevra pas la vibration de l'esprit qu'il supporte dans un mouvement pour aller vers une personne si c'est pas le temps qu'il aille vers une personne qui est sur la même longueur d'onde que lui. Donc, autrement dit, il peut faire des mouvements au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, mais c'est des mouvements qui ne sont pas alignés avec la vibration de l'esprit. Et c'est des mouvements qui ne nous permettront pas de générer une relation qui s'appuie sur la vibration de l'esprit. Donc, ça va être des mouvements plus astraux. Donc, c'est sûr que de travailler avec l'esprit, ça demande de la patience. Ça demande de travailler en fonction d'un temps qui n'est pas le sien. Et ça peut être contrariant. Prenons le cas d'une personne qui fait des enregistrements sur Internet ou ce qui parle de conscience. Bien, c'est sûr que si l'esprit lui dit que ce n'est pas le temps que ça va se vendre, puis la personne, elle essaye de vendre des enregistrements, puis ils ne se vendent pas, bien, c'est que la personne n'écoute pas l'esprit. Puis là, si la personne pose la question à l'esprit, est-ce que c'est intelligent que je fasse ces enregistrements-là? Puis là, l'esprit va dire oui, parce que ça te permet de canaliser ma vibration. Donc, autrement dit, ça permet d'intégrer ma présence en toi avec un peu plus d'intensité, parce qu'à chaque fois que tu parles, ça amène des ajustements vibratoires. Fait que là, l'esprit peut lui dire c'est intelligent que tu parles. Puis l'ego peut être contrarié par rapport au fait que les enregistrements qu'il produit, ils n'ont presque pas de vue sur Internet. Ça désintéresse beaucoup de gens. Donc, c'est sûr que... puis il ne peut pas en vendre. Fait que l'ego peut dire, « ben moi, je ne suis pas capable de vivre de ces enregistrements-là. » Puis là, l'esprit peut dire, « ben c'est pas important que tu en vives. L'important, c'est que tu canalises cette vibration-là. » Nuance, c'est pas pareil. Puis là, l'ego peut dire, « ben ça sert à quoi que je fasse ces enregistrements-là? » Puis là, l'esprit va lui dire, « ben ça sert à ce que tu canalises cette vibration-là. Ça prend un prétexte. Si tu parles au micro, ben ça te fait un prétexte. T'envoies ça sur Internet, c'est un prétexte pour que des gens écoutent ça. Mais fondamentalement, t'as pas à sauver l'humanité. T'as rien par rapport au collectif. Puis toutes ces histoires-là d'enregistrement que tu fais, c'est seulement en toi puis ton esprit. C'est-à-dire en toi puis moi. Donc, ça peut y parler de même intérieurement. Donc, c'est sûr que c'est assez spécial, j'en conviens. Mais il en est ainsi. Donc, c'est sûr que si l'individu pose la question un jour, est-ce que je vais pouvoir faire des enregistrements qui vont se vendre? Là, ça peut lui dire, ben, tu verras. Ou tu vas lui dire oui. Ça peut lui dire oui plus tard. Mais là, dans combien de temps? Ah, là, on ne donne pas nécessairement la réponse. Fait que c'est sûr que si l'ego essaie de gérer sa vie, il va faire face à de la frustration. Donc, quelqu'un, par exemple, du jour au lendemain, il va avoir une compagne, il va avoir des enregistrements qui lui permettent d'être riche et de bien vivre avec une abondance financière, alors que c'est pas ça qu'il y a à vivre maintenant. Extrêmement frustrant pour lui de pas voir que ça se réalise. Donc, c'est sûr que l'esprit peut créer des frustrations par rapport au fait qu'une tutelle psychique par rapport à l'individu. Tant qu'aussi longtemps que les deux sont pas sur la même longueur d'onde, l'individu ne peut pas comprendre l'intelligence de l'esprit dans sa tutelle psychique. Donc, c'est sûr que lorsqu'un individu est totalement inconscient, puis il n'est même pas conscient qu'il y a un esprit qui se rattache à lui puis qui existe, ben, il n'a pas accès à de l'information, puis fait juste subir des événements qui servent progressivement à l'ajuster pour qu'il atteigne le point où il va pouvoir dialoguer d'une manière volontairement consciente avec l'esprit. Donc, c'est ça qu'il a à contenir. Donc, quelqu'un, par exemple, qui vit une maladie grave, puis là, il pose la question, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour connaître ce problème de santé extrêmement grave? Puis là, ça, il répond pas intérieurement, puis il n'est pas en contact avec l'esprit. C'est un calvaire pour lui de vivre l'événement, alors que s'il savait que l'événement viserait à le sortir de son orgueil, de sa mécanicité, de sa façon habituelle de se comporter, puis qu'il y a un sens qui se rattache à ça, ben là, ça serait plus facile à vivre. Puis quand l'individu commence à intercepter la vibration de l'esprit, donc la percevoir, ben là, il peut comprendre le sens de certains événements. Et lorsqu'il intègre de plus en plus cette vibration et qu'il est capable de la canaliser, il peut pratiquer à ce moment-là la parole vibratoire et peut émettre dans sa parole un mouvement de compréhension par rapport à ce qu'il vit. Il réalise l'intelligence de ce qu'il vit sans le réfléchir et sans le contester. Puis ça, c'est difficile. Parce qu'en réalité, la contestation de l'esprit existe tant aussi longtemps que l'individu n'est pas en harmonie totale avec l'esprit. Donc, l'individu, par exemple, vit un événement. Le fait, par exemple, qu'il veut une compagne puis il n'y en a pas une présentement. Eh bien, il peut se mettre en opposition avec l'esprit et puis le contester en disant « Ben là, pourquoi je n'ai pas de compagne? » Puis là, l'esprit peut y répondre « Ah, c'est pas le temps. » Puis l'individu s'ouvre à l'intelligence de l'esprit puis à sa compréhension, ben il va accepter le fait que c'est pas le temps. Il ne sera pas dans le rejet, il ne sera pas dans le déni. Il va être dans l'acceptation que, de par rapport à l'intelligence de l'esprit, quel ministre ma tutelle psychique présentement, c'est pas le temps. Donc, il ne s'opposera pas à ça. Il ne va pas se mettre à réfléchir en disant « Ah, ben j'ai une injustice. » Il va accepter puis assumer totalement « c'est pas le temps ». Mais d'assumer totalement « c'est pas le temps » par rapport à quelque chose, c'est extrêmement difficile. Parce que ça demande de mettre de côté son orgueil, son désir de vouloir tout contrôler. Puis, de réaliser qu'on travaille avec l'esprit, c'est difficile parce qu'à un moment donné, l'individu peut s'acharner à vouloir, par exemple, avoir une compagne, puis là, il va aller voir plein de monde sur Internet. Puis à un moment donné, il arrête parce que là, il se rend compte que ça ne débouche pas. Puis là, ça peut dire intérieurement, c'est le temps d'aller voir du monde sur Internet. Puis là, ce qui peut arriver, c'est que l'individu dit non. Là, j'ai fait mon effort dans le passé, aller voir des gens, ça n'a pas marché. Là, tu me dis que c'est le temps, mais là, moi, regarde, c'est pas toi qui vas gérer mon temps, c'est moi. Donc là, l'individu peut être borné. La problématique, c'est que l'esprit, à un moment donné, peut dire c'est pas le temps, puis à un moment donné, il dit c'est le temps, puis quand que l'esprit dit c'est le temps, parce qu'il a été contrarié du fait qu'il a dit que c'était pas le temps dans le passé, puis ça marche pas, il passera pas à l'action. C'est comme s'il voulait se venger un peu de l'esprit qui l'a bloqué, puis là, dire, ben là, non, là, c'est non, là, je ne suis pas intéressé, mais en réalité, il est intéressé, pareil. Puis là, ça va prendre quelques jours avant qu'il fasse des mouvements pour rencontrer, s'il met en vibration pour ça. Fait que c'est subtil. C'est un petit peu comme la phase de la recherche d'emploi. À un moment donné, l'esprit peut dire à une personne, c'est pas le temps de te trouver du travail. Puis à un moment donné, l'esprit peut dire à quelqu'un, c'est le temps que tu trouves du travail, mais comme l'individu a été porté 30 ou 40 curriculum vitae pendant que c'était pas le temps, en faisant un mouvement de l'ego, puis ça marche pas, ben là, quand ça lui dit intérieurement, c'est le temps, ça se peut que ça ne tente pas de sa volonté égoïque, de sa volonté d'âme de passer à l'action pour s'harmoniser à celle de l'esprit, parce que ça ramène au principe qui est sous tutelle psychique. Donc, c'est sûr que S'il passe quelques jours, puis là, ça dit toujours c'est le temps, puis là, il passe à l'action, ça se peut que ça va déboucher. Parce que l'esprit sait quand que ça peut déboucher, puis quand que ça ne débouchera pas. Fait que c'est sûr que de réaliser qu'à un moment donné, l'individu peut faire un mouvement, puis ça ne marchera pas. Il y en a le senti interne, puis à un moment donné, il peut faire un mouvement, puis ça va marcher, puis il y en a le senti interne. Ça le ramène au fait qu'il n'y a pas de libre arbitre, puis il est sous tutelle psychique. Ça peut être extrêmement difficile à vivre. Parce que ça le ramène au fait qu'il n'y a pas le contrôle sur sa vie. Fait que, puis c'est sûr que si quelqu'un réalise que c'est l'esprit qui, de par sa tutelle, va faire en sorte que certains événements débouchent ou non, il y a des gens qui peuvent vouloir être passifs. Donc, quelqu'un qui se fait dire, à quelque part, il y a un esprit qui crée des événements, ben, la personne peut dire, ben là, je vais arrêter de chercher du travail. Je vais attendre qu'un employeur arrive chez moi en limousine, pour m'offrir du travail. Donc, la personne peut vouloir tomber dans une forme de passivité, mais la personne doit agir concrètement dans la matière en fonction de ce qui est intelligent qui provient de l'esprit. Donc, s'il a envoyé par courriel un curriculum vitae, ben, il faut qu'il l'envoie. s'il agit en conformité avec l'esprit. S'il ne l'envoie pas, bien, ça ne débouchera pas parce que l'affaire que ça débouche dans sa vie est en relation directe à un engagement de sa part dans un mouvement. Donc, c'est là que c'est subtil, c'est là que c'est un peu désagréable. À mesure que l'ego intègre cette compréhension par rapport à sa vie, qu'il y a à faire dans certains cas, certaines actions, puis d'autres actions, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Donc, ça ne donnera pas de résultat. Si par exemple, l'esprit dit à un individu, ben, c'est pas le temps que tes enregistrements se vendent, quand même que l'individu en fasse au-dessus d'une centaine, puis ça lui dit intérieurement que c'est pas le temps que tu aies du succès, ben, il n'y aura pas de succès, puis il n'y aura pas de vente par rapport à ça. Parce que l'esprit juge que c'est pas intelligent que l'individu ait, par exemple, du succès, puis beaucoup de ventes en lien avec ça. Il y a des raisons derrière ça. Donc, autrement dit, si l'individu a à monter davantage en intelligence, c'est bien plus intelligent pour lui qu'il n'ait pas de succès pendant plusieurs années, qu'il ait rapidement du succès, puis il ne continue pas à épurer son orgueil. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque les gens ont du succès, ben, ils pensent qu'ils l'ont l'affaire. Fait qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils répètent toujours les mêmes choses. Donc, autrement dit, ils arrêtent d'évoluer puis de s'ajuster à l'esprit. Tandis que l'individu qui, par exemple, fait des enregistrements puis met ça en ligne sur Internet, il n'y a pas de succès, ben, ça l'amène à être dans une ouverture pour changer ce qu'il fait s'il veut avoir plus de succès. Puis ça peut lui dire intérieurement aussi qu'il n'y a pas à avoir de succès par rapport à la masse parce que c'est pas ce qu'il y a à vivre. Puis de toute façon, s'il y avait du succès par rapport à la masse, de recevoir des centaines, voire des milliers de courriels, ça serait trop envahissant pour lui. Donc l'esprit peut lui dire que c'est bien plus intelligent que tu n'aies pas de succès avec des enregistrements, puis de recevoir seulement des courriels pour une quantité extrêmement limitée de gens qui sont réellement concernés, que d'avoir un succès immense et de recevoir des centaines de milliers de courriels régulièrement qui vont faire en sorte que tu n'auras pas le temps de gérer tout ça et de recevoir tous ces messages-là, ça va empiéter ta vie personnelle et professionnelle, donc ta vie privée. Donc, tu n'auras pas le temps à avoir des loisirs là, si tu veux tout traiter ces messages-là. Donc, l'esprit peut créer des événements ou des situations qui vont faire, par exemple, en sorte que seulement certaines personnes spécifiques qui vont être en contact avec des enregistrements pour que l'individu soit submergé de courriels. Donc, il y a une façon de voir les choses au niveau de l'esprit qui fait réaliser que tout est correct. Et c'est tant que l'individu n'a pas élevé son niveau d'intelligence au même niveau que l'esprit, puis qu'il y a un déphasage entre les deux qui va vivre la frustration, qui va l'amener à contester l'esprit pour monter en compréhension. Mais lorsque la compréhension est toujours haute, il n'y a pas besoin de monter en compréhension pour avoir la même compréhension que l'esprit parce qu'il vit en fonction de cette compréhension d'une manière permanente. Donc, autrement dit, si la personne est tout le temps en communion psychique et en unité totale avec l'esprit, de se faire dire que c'est pas le temps d'avoir du succès avec des enregistrements sur Internet, c'est pas un problème pour lui. Il va pas le réfléchir. Il va faire tout simplement « OK, c'est pas le temps ». Aucune résistance. État de neutralité psychique totale. L'individu reste sous sa vibration. Alors que si c'est pas le temps, ben l'individu peut se réfléchir en disant « Ben là, c'est pas juste. Ça fait au-dessus d'une centaine d'enregistrements que je fais. Normalement, je dois avoir du succès. Je vais avoir des sites sur Internet. Puis là, je vois qu'il y a plein de monde qui ont du succès, puis pas moi. Donc, je me compare aux autres. Puis, il me semble que mes enregistrements sont meilleurs que telle personne. Pourquoi mes enregistrements n'ont pas plus de succès que ça? » Tu sais, la personne peut se comparer aux autres, peut se réfléchir, puis là, elle perd du temps et de l'énergie. Tandis que si l'individu est capable d'être dans un état d'acceptation immédiate avec ce qui se passe, premièrement, il va atteindre un stade où il n'aura même plus besoin de poser la question à l'esprit pourquoi qu'il vit telle chose, parce qu'il va savoir instantanément dans la vibration. Donc, il va ressentir que ce n'est pas le temps. Fait qu'il n'a pas besoin de poser la question à l'esprit, c'est pas le temps, puis il n'en souffrira pas, parce qu'il va être en harmonie avec le fait que c'est pas le temps. Par exemple, d'avoir du succès avec des enregistrements ou d'avoir une compagne ou d'avoir une promotion au travail ou peu importe. Donc, l'ego peut souhaiter vouloir quelque chose, mais si l'esprit juge qu'il n'a pas à obtenir cette chose-là rapidement parce que sans ça, ça nuirait à son évolution, ben, l'individu est obligé de constater que c'est intelligent qu'il ne l'est pas parce que ça serait à ce moment-là un frein évolutif par rapport à son existence. Donc, autrement dit, il en vient un stade à assumer la tutelle psychique et la tutelle psychique n'est plus subie le jour où il est en harmonie avec la volonté de l'esprit. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, qui vit au niveau de l'âme. Il commence à vivre la fusion avec l'esprit, puis ça, il dit, c'est pas le temps que tu aies, par exemple, une compagne. Puis là, il s'oppose à la volonté de l'esprit en disant, ah, c'est pas juste, parce qu'il n'est pas en harmonie avec elle. Mais lorsque l'individu est en harmonie avec le point de vue de l'esprit, ben, il ne s'oppose pas à l'esprit, il fait juste constater que c'est intelligent que ça ne soit pas le temps. Donc, il est en état d'unité psychique. Il n'y a pas de résistance à ce qui est. Donc, il n'y a pas de résistance par rapport à l'événement, par rapport à la programmation. C'est sûr que s'il y a des événements qui occasionnent de la souffrance, l'individu peut contester des événements dans le but d'atteindre un état d'équilibre plus grand, un état de mieux-être. Et l'individu aussi peut s'opposer à des vibrations astrales. Mais là, quand je parle d'être dans un état d'acceptation, c'est par rapport à des événements qui proviennent de l'esprit. Il y a une distinction entre les deux. Donc, autrement dit, si l'événement provient d'entités astrales qui vont, par exemple, dire à un individu de boire 8 bières alors que l'individu n'a pas à en boire autant, puis là, l'individu, dans le fond, ça dit ça intérieurement, puis il y a la vibration au niveau de l'esprit qui n'est pas intelligent, ben, il va contester ça pour ne pas boire autant puis de se ramasser dans une situation de souffrance sur le plan biologique par rapport au fait qu'il y a trop bu d'alcool. Donc, il n'y aura pas à perdre de l'énergie à ce niveau-là. Alors que si l'individu est toujours en harmonie avec l'esprit, ben, puis il est en harmonie avec cette intelligence-là, ben, il capte qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire. C'est des mouvements d'énergie autorégulés, spontanés dans sa psyché. Donc, autrement dit, il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas. Il y a la vibration que boire maximum 3 bières, puis il n'en boit pas plus. Donc, son mouvement est totalement régulé par l'intelligence et la vibration de l'esprit. Donc, à ce moment-là, il ne se met pas en initiation, il ne se met pas dans une situation difficile, il ne se met pas dans une situation souffrante. Mais pour vivre comme ça, il faut que l'individu soit capable d'avoir une très grande capacité de discernement. Et c'est précisément le développement de la capacité de discernement qui va permettre à l'individu de maturer en psyché pour éventuellement être libre de la tutelle psychique puis être un être totalement autonome et totalement autorégulé vibratoirement, être un agent libre dans le cosmos. Mais ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le développement de son autonomie. Donc, lorsque l'individu est autonome, il n'a plus besoin de ses parents. Donc, quelqu'un qui est mature, qui est capable de gérer ses finances, gérer ses amours, gérer son argent, ben, il n'a pas besoin de parents ou de conseillers qui vont lui dire quoi faire. Et c'est la même chose par rapport à l'individu et sa fusion. Donc, lorsque l'individu a intégré l'énergie de l'esprit et qui est totalement un avec l'esprit, ben, il n'y a pas d'un côté lui puis de l'esprit qui va lui dire quoi faire. Il y a seulement un être harmonisé qui a la maturité d'être libre d'une forme de tutelle psychique qui n'est plus nécessaire étant donné que la personne a atteint un stade vibratoire qui lui permet d'expérimenter une autonomie totale sur le plan psychique.